L'Olifant, nouvelle pôle historique de Shmuel Retby. Chapitre 1er. Le vicomte Gaston releva la visière de son casque et s'épongea le front d'un vigoureux revers de manche. « Il fait une chaleur à crever dans ce bled !» Le chevalier Tancrède le regarda avec un soupçon de mécontentement. « Je vous demande bien pardon, mais je ne vous comprends pas. » « Ah oui, oh, pardon, mon pote. Je dis, il fait très chaud, hot warm, very much. » « Ah, chaud, je comprends, très très chaud, yo, yo. » Après 6 mois de siège, Saragosse allait enfin tomber. Les deux guerriers sentaient que l'heure était venue. Les Sarrasins allaient capituler d'un moment à l'autre. Gaston de Béarn observait le lourd pont-levis qui allait bientôt leur livrer le passage vers la ville tant convoitée par le roi Alphonse. Tous ses efforts pour soudoyer les habitants de la ville tenus en otage par les troupes ennemies n'avaient abouti à aucun résultat. Les gens semblaient avoir plus de peur du lendemain inconnu que du quotidien blafard. Gaston se tourna vers le chevalier normand. « Mon vieux Tancrède, tu sais comment on appelle les enfants des Sarrasins ?»« Des Saragosses. » »« Bon, trêve de blague, va falloir faire gaffe. »« Gaffe, c'est quoi, gaffe ?»« Faire attention, je veux dire, je crains une sortie. »« Exit aus dem Dorf, you see, boy ?»« Je sais perfectly. » Un Brexit, mon vicomte. Ils font tenter un coup de kopf, de tête, je veux dire. Exactly, un coup de kopf, mais nous les attendons, n'est-ce pas? De pied ferme, vicomte. Comme cet étrange dialogue parvenait à sa fin, le pont-levis s'abattit dans un fracas de tonnerre et une troupe de combattants sarrasins montés sur de vigoureux chevaux arabes se précipita, le sabre levé, vers le campement des croisés. Leur chef portait une armure revêtue d'une mante rouge, et il sonnait du cor à s'en faire crever les poumons. Il devançait d'une vingtaine de toises le gros du peloton et fonçait droit sur Gaston de Béarn. Sans doute avait-il eu l'occasion de le remarquer en observant le campement des chrétiens pendant les 6 mois qu'avait duré le siège. Gaston piqua des deux, la lance solidement tenue au bout de son bras vigoureux. Avant que le cavalier mort n'ait eu le temps d'abattre son sabre, la pointe de la lance trouait l'armure à la hauteur du cœur et transperçait le corps. Le vicomte lâcha son arme et tira la bride de son cheval de côté de façon à éviter le choc. Tancrède le dépassa, sa lance à la main. Les Sarrasins, voyant leur chef terrassé, jugèrent prudent de tourner bride et disparurent derrière le pont-levis qui se relevait déjà. Décidément, ce siège exaspérant touchait enfin à son terme. Descendu de cheval, le Gascon et le Normand se penchèrent sur le cadavre du guerrier et se partagèrent le butin. Gaston, noble de caractère et sentimental incorrigible, ne prit que le corps dont il tira une mélopée lugubre. Tancrède gardait pour lui la mante, l'armure, les bagues, les éperons, le sabre et une lime à ongles en or massif. Rentrés au campement, ils évaluèrent le prix relatif des objets recueillis sur le cadavre. Le corps fit l'objet d'un examen attentif. C'était une sorte de corne toute blanche, très longue et nettement courbée. Tancrède estimait qu'il s'agissait d'une corne de renne, comme on en trouve une fois tous les 200 ans dans son pays natal. Gaston fit venir l'érudit Jehan Grimois qui savait lire et écrire le latin et parlait couramment l'occitan. « Qu'est ceci ?»« Ceci, c'est... cela me semble... »« Alors ça vient ou je te transforme en passoire, vieux crabe ?»« Si vous le prenez sur ce ton aimable, mon commandant, c'est tout autre chose. » 2 minutes plus tard, Gaston de Béarn et le chevalier Tancrède savaient tout ce qu'un gentilhomme doit savoir sur l'Inde lointaine et sur ses éléphants aux longues défenses d'ivoire. Le vicomte était maintenant possesseur d'une défense d'olifant, finement évidée, dont on avait fait un olifant, tout simplement. Le vicomte de Béarn batailla ainsi de gauche et de droite, son épée au flanc et son olifant à la main, ou le contraire, selon la situation et suivant sa bonne humeur. En tant que sauveur de Saragosse, il en reçut le commandement qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il y fit bâtir la cathédrale de Saint-Sauveur en précisant que toute ressemblance ou affinité avec une personne existante n'était que fortuite. On l'enterra dans la cathédrale, son épée au flanc. Mais on préféra conserver l'olifant au frais dans un petit oratoire, bien caché des regards indiscrets. Les siècles passèrent.